chauffé au charbon, ce message est pour vous. Ce combustible, encore très apprécié dans le Nord-Pas-de-Calais, peut être à l'origine d'intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Pour vous chauffer en toute sécurité, à l'allumage, faites brûler du papier dans la cheminée pour vérifier que les fumées s'évacuent bien. N'oubliez pas d'enlever les cendres plusieurs fois par jour. Pour bien fonctionner, votre appareil a besoin d'air frais. Ne bouchez jamais vos aérations. Chaque année, faites entretenir vos appareils et ramonez vos conduits par des professionnels. C'était un message de l'Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais. Bonjour, il est midi sur Radio Campus. Nous sommes le 21 décembre, troisième samedi du mois, et vous écoutez Angle d'attaque. Jingle. Avec Xavier, Florent, Benjamin, René, Germain et Christian, jusque pas tout à fait 13h, vous écoutez Angle d'attaque, l'émission de l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Xavier, vous l'avez noté, est de retour au studio. Il prend les commandes de la table de mixage en lieu et place de Germain. En effet, une émission très particulière aujourd'hui, puisque nous n'avons pas d'invité, ou pour le dire positivement, nous sommes nos invités et même les invités de Germain. Et de quel sujet allons-nous traiter ? De droits fondamentaux. Une idée de Germain, passée donc pour l'occasion du côté des micros. C'est quoi les droits fondamentaux ? Eh bien, Germain va d'abord nous dire comment lui est venue cette idée de droits fondamentaux et pourquoi il voulait qu'on en parle à Angle d'attaque. On n'allait pas lui refuser une pareille idée à Germain. Ensuite, nous, les cinq autres, on va essayer d'apporter chacun nos réflexions, nos points de vue, nos remarques, pour approcher un peu précisément cette notion. Parce que voyez-vous, et c'est bien là le problème, autant cette notion paraît simple, immédiate, aller de soi. Aller de soi, c'est mieux. Autant cette notion paraît aller de soi quand on la prononce, autant à réfléchir, nous découvrons qu'elle est complexe à exprimer et c'est pourtant ce que nous allons essayer de faire. Nous sommes sur Radio Campus, on a le droit. C'est Germain, le compositeur et le chef d'orchestre du sextet, ça vous l'avez compris, qui improvisera des thèmes aux alentours des droits fondamentaux, code du travail, citoyenneté, égalité homme-femme, bien commun et même, et surtout peut-être, désobéissance civile. Voilà de quoi mettre en appétit vous qui êtes à table. Mais on va ouvrir une page musicale avant de laisser la parole à René pour l'actualité d'attaque. Gros événement en janvier, René, avec la revue d'Hervé Kempf, pardon, au mois de janvier. Et puis, redémarrage du collectif O. On y vient dans 3 minutes. Musique. Au Chiapas, il y a deux vents qui soufflent. Il y a le vent d'en haut. C'est celui de la presse, de la radio, enfin le vent des puissants. Celui qui dit « Mais à quoi bon lutter ? Mais soyez raisonnables, le socialisme est mort ! Vive le capital !» Il y a même certains anciens socialistes repentis qui le proclament. Et puis, il y a le vent d'en bas. Celui qui naît dans le cœur indien des montagnes, celui qui écoute la plupart, les millions, ceux qui ne se laissent pas décourager par le désespoir et le conformisme. Eh bien, ce vent-là, il parle de justice, de liberté, du socialisme, de l'espoir. Quand ses amis sont endormis, seul dans la nuit, Marco s'écrit. Il écrit qu'il aime la vie, la justice et la poésie. Et quand souffle le vent d'en bas, le vent terrible des combats, qui naît dans le cœur des anciens, que connaît tout le peuple indien. Il communique au monde entier la parole des insurgés, qui exige la dignité au nom de tous les opprimés. Oui, quand souffle le vent d'en bas, on entend chanter Zapata, qui dit que le jour viendra où la terre appartiendra à celui celui qui la travaillera. Lorsqu'on la collectivisera, bientôt la terre nous appartiendra. Lorsqu'on la collectivisera. Pendant ce temps dans son palais, le gouverneur est satisfait. Il informe par la radio qu'il chapa jusqu'à Mexico, faisant souffler le vent d'en haut, celui qui fait courber le dos. Qu'il contrôle la rébellion avec ses bombes et ses avions. Que les puissants du monde entier peuvent se sentir rassurés. Les capitaux sont protégés, la guérilla est écrasée. Mais quand souffle le vent en bas, on entend chanter Zapata, qui dit que le jour viendra, où la terre appartiendra à celui qui la travaillera, parce qu'on la collectivisera, que tout la terre nous appartiendra, parce qu'on la collectivisera. Eh bien, René va nous parler des actualités d'attaque, en commençant d'abord par le plan national, comme d'habitude, mais c'est même international, là, carrément, René. Oui, tout à fait. Alors d'abord, attaque contre l'offensive libre-échangiste. Tout d'abord contre le paquet de Bali. Premier accord au sein de l'OMC depuis la suspension du cycle de Doha. Le paquet de Bali, signé le 7 décembre dernier, et portant sur la facilitation des échanges, l'agriculture et le développement s'avèrent très favorables aux multinationales et sociétés d'import-export, mais contraignants pour les pays du Sud, on s'en serait douté. Attaque France, ainsi que plusieurs dizaines d'organisations, appellent à la suppression de l'OMC et de la tyrannie du libre-échange. Sur ce thème, on peut consulter sur le site d'Attaque France l'excellent article de Maxime Combes, repris d'ailleurs dans la Tribune. Eh oui, ça arrive. Également contre les partenariats transpacifiques et transatlantiques, ces accords bilatéraux dont les négociations sont en cours sont de véritables déclarations des droits des multinationales, représentant de graves menaces pour la souveraineté politique et la démocratie, dénoncée par les campagnes et les communiqués d'un collectif dont fait partie Attaque. Excuse-moi René de t'avoir interrompu, là, c'est pour dire que le 18 janvier, avec Jean Gadret, notre émission sera sur ce thème-là. Oui, c'est exact. Ensuite, communiqué d'Attaque à propos de l'accord sur l'Union bancaire européenne intervenu récemment. C'est une réforme qui passe à côté de l'essentiel. Le titre résume tout, d'ailleurs. Enfin, appel à boycott. Ne laissons pas Unilever lessiver l'éléphant. Un appel à boycott contre Unilever a été lancé par les syndicats de Fralib, relayé par Attaque, et qui s'est traduit par une journée d'action et de sensibilisation nationale le samedi 7 décembre. D'autres initiatives du même ordre sont prévues. Pour rappel, Unilever ayant fermé son site de conditionnement de tisane et infusion de la marque Éléphant à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône, les salariés, qu'on appelle les Fralib, ont décidé de créer une SCOP sous la marque Éléphant. Mais pour lancer leur projet, ils doivent obtenir la cession de cette marque par Unilever. Si vous voulez soutenir les Fralib, boycottez les produits Unilever, dont la liste est disponible sur le site d'Attaque France, dans la rubrique « Blog », ainsi que la pétition en ligne. Maintenant, au plan local, soutien des comités locaux attaque de la métropole au collectif Ouyouyouy non au gaz de couche. Face à la prolongation de concession pour 25 ans demandée par Gazonor, visant vraisemblablement l'exploitation du gaz de couche, le collectif demande au commissaire nommé pour l'enquête publique de donner un avis défavorable à la requête de Gazonor et à solliciter le soutien de plusieurs organisations, dont les trois attaques de la métropole. Ensuite, projet de lettre ouverte aux députés concernant la réforme des retraites, à l'initiative d'Attaque Roubaix-Tourcoing. Suite à l'interpellation des députés lancée par Attaque France au sujet de la réforme des retraites, plusieurs membres des comités locaux de la métropole avaient adressé un courrier à leurs députés. Face aux réponses reçues, justifiant la réforme, le comité local de Roubaix-Tourcoing a proposé une lettre ouverte. Celle-ci, élaborée conjointement par ATAC et l'Union syndicale des retraités solidaires, dénonce les incohérences, les injustices et le caractère erroné de la réforme. Autre initiative du comité local de Roubaix-Tourcoing, le 12 décembre, projection du film « Les nouveaux chiens de garde » de Gilles Balbastre, suivi d'un débat, c'était au duplex à Roubaix. Maintenant, au sujet des Roms hébergés à la Bourse du Travail. Alors, du nouveau, récemment, la préfecture a proposé de libérer 40 places d'hébergement, uniquement pour l'hiver, en échange de l'évacuation totale du site. Les syndicats, après avoir dénoncé une forme de chantage, ont fait une contre-proposition. D'accord pour les 40 places d'hébergement, mais restitution des caravanes aux familles non prises en compte. En attendant, vous pouvez toujours venir déposer nourriture, vêtements chauds, couvertures, chaussures à la Bourse du Travail, 174 boulevard de l'Usine, à Fives. Le collectif O, d'abord un bilan de la semaine de solidarité. On retiendra surtout le succès de la représentation théâtrale Démocratie à la Maison Folie d'Oisem, face à un public nombreux et participatif. Le 25 novembre, c'était la réunion au Club de la Presse, avec un exposé de Jean-Luc Touly, qui a rappelé les raisons et les différentes phases de ce combat pour l'eau en métropole lilloise, et s'est interrogé sur la stratégie actuelle adoptée par LMCU. Malheureusement, il faut le noter, faible présence des professionnels, c'est-à-dire des journalistes, bien sûr. Les rassemblements devant le siège de LMCU, celui du 13 décembre, a dû être annulé, faute de promesses de participation suffisantes. Enfin, le collectif est confronté à un dilemme actuellement, puisque le collectif Ouyouyouy non au gaz de couche, qui avait sollicité notre soutien par rapport à l'enquête publique concernant la prolongation de concession Gaz au Nord, donc il avait sollicité bien sûr notre soutien, mais des organisations membres du collectif y étant opposées, cette action ne s'est pas concrétisée. C'est regrettable car il y a convergence entre les deux collectifs, notamment par rapport à la préservation de la ressource en eau. Mais nous touchons là une des limites de notre organisation, qui repose sur des bases consensuelles. Nous ne pouvons engager chacun des membres sans son accord. Même un vote à la majorité ne résoudrait rien et risquerait d'entraîner une scission qui affaiblirait le collectif, dont la lutte est, avant tout, je le rappelle, le retour en régie publique en métropole lilloise. Toutefois, un débat interne est prévu prochainement avec les opposants. Et pour les actions prévues et à venir, donc une entrevue avec le groupe d'élus communautaires socialistes que nous n'avons toujours pas eu l'occasion de rencontrer, dans l'objectif des municipales, projet de lettre aux candidats sous forme de questionnaire dans les principales villes de la métropole, et enfin un projet de proximité, c'est-à-dire la vérification des factures d'eau qui devraient avoir lieu sur Wattignies. Là, nous attendons la réponse des organismes contactés. Ok, merci René. On va faire un petit jingle avant de passer au thème central. Et avec Germain. Le premier à interroger Germain sur les droits fondamentaux, ça va être Benjamin. Alors Germain, comment es-tu arrivé à réfléchir à la question des droits fondamentaux et à oser en faire un thème d'émission ? Grâce à l'introduction tout à l'heure de Christian, je sens bien que si jamais il y a des hics, je serai le responsable. Bon, c'est un sujet qui, avant l'émission d'aujourd'hui, m'était venu... sans doute des démarches entreprises par les altermondialistes et les différents courants qui cherchent à le remettre sur l'avant de la scène. C'est un sujet qui me parle, qui a germé un peu de cette sensation que quelque chose de fondamental fait défaut à la société. Peut-être même que c'est un sujet qui, dans certaines sociétés, était comprise comme une évidence. En tout cas, le sujet des droits fondamentaux m'a semblé important à notre époque, dans l'ère libérale où l'individualisme me semble être une menace pour la société. Pour mettre les choses au clair, je vais chercher un peu à définir le sujet, avec votre aide. C'est un concept que je crois, assez récent, même si l'idée de départ doit être un petit peu universelle. C'est un concept qui, à l'échelle du temps de l'histoire, me semble nouveau, récent, moins de 2 siècles. Mais je dois concéder qu'il plane un flou sur cette notion, autant pour moi, j'espère que ce sera excusé, c'est un peu un numéro d'équilibriste qu'on fait aujourd'hui, que pour les personnes qui cherchent à le définir. Donc, je ne me considère pas comme étant forcément votre invité, mais ni que vous êtes mes invités, on va essayer de faire des tables rondes autour du sujet. Donc, juridiquement, il s'agit de l'ensemble des droits primordiaux pour l'individu. Ces droits existent même sans appareil judiciaire. C'est une notion de niveau universel. Les droits fondamentaux, qui sont souvent un peu assimilés aux libertés fondamentales, sont l'ensemble des droits subjectifs primordiaux de l'individu. Si on est dans un état de droit et en démocratie, c'est normalement l'État qui doit se charger de les assurer. Mais la notion est tout autant viable en dehors d'un état de droit, l'autogestion par exemple, ou bien la vie en communauté en sont la preuve. Dans tous les cas, c'est une notion plutôt abstraite, même si elle se rapproche des besoins initiaux de chaque être humain. C'est une abstraction à partir de ces besoins qui concentre tout un tas de sensations, de nécessités légitimes vis-à-vis de nos libertés. Oui, je crois qu'on est bien hors du marché, en fait. De ce que tu dis, c'est-à-dire là, les droits fondamentaux, comme je pense que tu as raison sur ce coup-là, c'est de dire que c'est des choses dont on n'a pas forcément, pour lesquelles on n'a pas forcément besoin d'un État, mais l'État est susceptible de les préserver, ou les organisations internationales d'ailleurs. Oui, c'est une décision collégiale. Soit on vit dans un État, soit on décide de trouver d'autres systèmes. Et aussi la société civile elle-même, puisque... Voilà, c'est plus elle qui, normalement, enfin même dans un système d'État, de démocratie, la société civile, normalement, est censée être à l'origine des décisions. Elle a le pouvoir, démocratie. Peuple souverain. Oui. Je suis d'accord avec toi. En fait, si on reprend son apparition au fil des textes, au fil des textes de loi, au fil de l'encadrement juridique et législatif, c'est quelque chose qui n'apparaît, au niveau noir sur blanc, droits fondamentaux, que dans la dernière, dans les constitutions européennes, celle de Lisbonne en 2009, qui a été écrite en 2000 et donc rédigée quelques années avant. À mon sens, c'est une notion qui était déjà là dans les esprits de tout un chacun et aussi peut-être des législateurs depuis bien longtemps, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui a inspiré le Conseil national de la résistance pour la rédaction des différents préambules de nos constitutions par l'intermédiaire de la Déclaration des droits de l'homme universelle. Et donc, c'est une notion qu'on sait exister et qui prend corps assez récemment, mais qui revient sur le devant de la scène grâce, c'est ce qu'on se disait en off, grâce à l'altermondialisme, entre autres. Là, je suis un petit peu perdu, j'attendais peut-être une petite relance. Pour tester un peu le sujet, je crois qu'il est important de se rendre compte que nos droits au quotidien sont en partie ceux qu'on souhaiterait et en partie ceux qu'on a. Et donc derrière ça, il y a ce qu'on a déjà conquis, les droits déjà conquis, qu'il faut à présent peut-être chercher à défendre, et ça sera un peu la préserver. Les attaques, notamment celles du paradigme néolibéral. Voilà, et celles qu'on éprouve légitimes et qu'on cherche à obtenir ou qu'on s'accapare. Donc là, le thème de la désobéissance, par exemple, sera une issue. Mais en tout cas, les droits déjà acquis, eux, sont à défendre au quotidien parce que il y a une certaine opposition, un clivage entre les classes sociales, par exemple. Oui, je crois effectivement qu'il y a tu dis mener en l'occurrence deux combats, un combat qui est sur les droits acquis qui sont aussi reniés. Ça on le voit dans le domaine du code du travail par exemple. Le néolibéralisme ces 5-6 dernières années sous l'ère Sarkozy, le code du travail a été pas démantelé, faut pas exagérer, mais il y a quelques thèmes qui ont été sous le vocable flexisécurité, par exemple, fait perdre des droits aux salariés. Bien. Et puis plus récemment, il y avait effectivement l'ouverture des magasins le dimanche, par exemple. Bien. Par ailleurs, ça c'est un type de combat sur des choses qui ont été acquises par la lutte, on va le dire simplement. Et puis il y a les droits. Alors là, j'aime bien que tu parles des altermondialistes, où ce sont les droits, donc du coup, les droits fondamentaux que tu distingues, si j'ai bien compris, des droits qui sont les droits acquis par la lutte, les droits fondamentaux qui seraient l'usage de l'eau, de l'air, mais aussi de l'éducation, de la santé, etc. On y reviendra certainement après. Mais ces droits-là, c'est les altermondialistes qui les ont mis en évidence, et à Attac en particulier. Oui, je les distingue. Enfin, je pense quand même qu'une partie de nos droits fondamentaux existe déjà dans les acquis. Dans les conquêtes, plutôt. En fait, dans les droits fondamentaux, il y a les personnes qui cherchent à le définir apportent trois notions, trois catégories, définissent en fait trois piliers, comment ils disent déjà, des générations. Voilà. La première génération de droits, c'est celle qui concerne l'individu, la personne. Et la deuxième et la troisième, elles sont plus récentes, la troisième au moins est récente. La deuxième, c'est plus, donc on s'abstrait de la personne, on considère la vie en société, donc des thématiques comme la vie en famille, enfin la famille, la santé, les syndicats, le monde du travail. Voilà, là c'est la deuxième génération de droits qui, elle, existe. Enfin là, on est toujours dans, enfin existe ou peut-être étendue, est sujet à des conflits et à des grignotages, mais on parle quand même de quelque chose déjà concret. Et puis la troisième génération, c'est la nature, et derrière se cache la notion de bien commun de l'humanité, que ce soit social, culturel ou notre écosystème, les ressources naturelles, minérales. C'est pour dire que oui, je les distingue, mais c'est un petit peu des notions qui s'imbriquent quand même. Alors, donc, si je résume tes trois strates, tes trois générations, droit individuel, moi ce que je comprends, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme 1789, à peu près, ce qui signifie aussi, on l'a vu, droit d'exploiter et droit de vendre sa force de travail, les droits sociaux, pour aller vite, parce que tu parles de la famille, mais je peux parler des syndicats, c'est la reconnaissance des syndicats à partir de 1884, je crois. Et si on veut revenir très très vite, la représentation syndicale dans l'entreprise, c'est 1968. Donc voilà. Et les droits de la nature, alors là je ne sais pas trop dater. Tu as fait un package tout à l'heure en disant on en parle depuis deux siècles à peu près. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, c'est peut-être une des qualités de l'Europe. L'Europe est très attentive à l'environnement. Alors effectivement, au regard des textes et des différents traités qui peuvent exister, c'est à l'échelle de l'Europe qu'on va trouver les choses les plus flagrantes. Récemment, donc en 2005, a été inclus à la Constitution européenne une charte de l'environnement. Donc c'est là où on voit apparaître déjà des notions d'écosystème. Mais pour étendre sur le sujet de l'environnement, là, on est encore dans la construction de quelque chose. Si c'est à l'échelle de l'Europe, tant mieux. Enfin, ça peut être aussi à une échelle nationale avec les Grenelles et d'autres formes comme ça de textes chapeautant notre quotidien. Donc Et derrière la notion d'environnement, il y a tous les biens communs. Enfin, faut pas se limiter uniquement à l'environnement. Les biens communs contiennent l'environnement, mais contiennent aussi tout ce qui est culturel. René. Il faut dire que c'est la prise de conscience que justement notre vie, enfin notre survie dépend justement de la nature. Il y a cette prise de conscience là. Je peux pas dire plus vrai. Oui, c'est ça. On a peut-être au niveau légal pensé l'individu et l'individualisme en lui-même cherche vraiment à nous limiter à ça, à nous limiter à notre personne, mais pour vivre pleinement, on vit dans un environnement, dans un territoire, avec des interactions aux autres. C'est tout ça qui est important et qui nous constitue. C'est donc tout ça qu'il faut qu'on cherche à défendre et à valoriser. Enfin, non, c'est un mauvais terme, ça. Par les droits fondamentaux. Oui, mais c'est pas valoriser. Si valoriser, tu peux le dire, c'est évaluer en monnaie, peut-être. Non, je pensais justement plus à... Enfin, je dis valoriser, ma langue à fourcher, mais c'était avoir conscience que nous sommes tout ça. Pour exister, nous englobons tout cela. Voilà. C'est moi qui fais un contresens, t'as raison. Et donc, pour revenir sur les différentes attaques, je ne sais pas si vous voulez qu'on en débatte tout de suite. Oui. Auparavant, là, tu as parlé des différentes déclarations. Est-ce qu'on peut faire un constat, disons, ces déclarations par rapport à la réalité existante ? Est-ce qu'on a rapidement ? Souvent, ce ne sont que des mots, effectivement. Si je prends juste l'exemple de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, comme ça s'appelait, qui a été rédigée au cours des années 90 a été exprimé en 2000 et existait donc pendant toutes les années 2000, elle n'avait pas de valeur juridique. Elle n'avait qu'une valeur d'existence et de peut-être de guide pour d'autres courants de pensée, mais c'était tout. Et c'est en 2009, au moment où elle est rentrée dans la convention dans la constitution de Lisbonne, que là, elle a pris une valeur juridique avec le tribunal européen. Voilà, c'est pas possible. Enfin, effectivement, des fois, ce ne sont que des mots. Il y a un petit peu la latence juridique qui joue en la défaveur de telles idées. C'est ça, oui, effectivement. Donc, on est bien un départ déclaratif, la prise en compte juridique et puis l'application de décrets. Bon, un schéma classique en droit, en fait. Et sans compter qu'il faut voir que si quelqu'un qui est victime, justement, de... en situation de victime, qui veut interpeller la Cour européenne des droits de l'homme, ça doit quand même être le parcours du combattant. Oui, mais en même temps, elle existe. C'est vrai, elle existe. Mais... C'est le parcours du combattant. Ben, en fait, oui. Quand on regarde, vous avez dû voir la définition que qu'en fait Jean Gadret des biens communs. Je vais vous laisser rebondir si vous voulez, n'hésitez pas à me prendre la parole, mais entre autres, il annonce la nécessité de fixer des enjeux, des sortes de codes prioritaires d'action qui permettent d'étiqueter certaines actions, certains faits, pour pouvoir aller plus vite dans nos réactions. Et donc, c'est justement là où, je pense, tout le monde prend conscience de la latence de la justice. Par exemple, on pourrait fixer comme enjeu la conversion écologique de l'agriculture. Donc là, dès lors que quelqu'un cherche à faire un projet de 1000 vaches laitières dans un endroit limité, on a des moyens d'action beaucoup plus rapides que pour l'en empêcher. Oui, je crois que les biens communs, je crois qu'effectivement qu'ils sont assez bien présentés par Gadret et puis Laurent Cordonnier. Alors, je signale quand même que c'est des choses qui sont à la demande de la région Nord-Pas-de-Calais, hein, une réflexion là-dessus, à la région Nord-Pas-de-Calais. Mais moi, je propose là de faire une pause et d'attaquer les biens communs dans une deuxième partie. Je n'en peux plus de ce rouleau compresseur de notre économie, de cette machine de guerre qui écrase toujours et à tout prix, d'un silence beaucoup trop long complice d'exaction. Je crois que les gens, mes amis, que l'on passe à l'action. Oui, alors donc on a terminé la première partie sur en sériant les droits fondamentaux, en les pointant les biens communs. Hein. Alors il y a plusieurs choses à dire sur les caractéristiques des biens communs. Je l'ai dit, il y a un travail qui est fait pour la région Nord-Pas-de-Calais avec Gadret et puis Laurent Cordoni, enfin des gens avec qui nous travaillons nous-mêmes à ATTAC. Gadret distingue un certain nombre de généralisations, de caractérisations, pardon, des biens communs. Je vais les lire. Hein. Les biens communs désignent des qualités de ressources et de patrimoine collectif jugés fondamentaux. Donc on vient à des choses fondamentales, pour faire plaisir à Germain, mais surtout parce que c'est le thème de la journée. Donc aujourd'hui, pour le futur, bien commun naturel, culture populaire, connaissance. C'est peut-être des choses qu'on n'a pas suffisamment dites, hein, mais qu'on va peut-être développer. Donc, les biens communs dessinent des qualités de ressources ou patrimoine collectif. La qualification de deuxième caractéristique, c'est la qualification d'un enjeu. Comme bien commun n'a rien de naturel. C'est un peu ce que tu disais, Germain, juste avant la pause. Et essentiel à bien comprendre, c'est que les biens communs sont des construits sociaux. C'est pas des choses qui sont qui sont acceptées, j'allais dire naturellement. Évidemment, c'est un mot qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Donc, ils doivent être institués, c'est-à-dire présentés, écrits et portés, évidemment. Et c'est un combat, dit Gadret, qui met en cause des régimes de propriété. C'est fort important, puisque, effectivement, la qualité de l'eau ou l'eau, tout simplement, c'est quelque chose qui est approprié. On ne le sait que trop, n'est-ce pas, René ? Hein ? C'est donc, ça met en cause des régimes de propriété, d'appropriation et aussi de responsabilité. Pour expliquer, vas-y. On pourrait même imaginer une relativisation du droit de propriété. C'est-à-dire ? Eh bien, jusqu'à présent, le droit de propriété est un droit, j'irais, absolu. Si vous êtes propriétaire de quelque chose, vous avez de quelque chose, notamment de moyens de production, vous en disposez quasiment comme vous voulez. Là, il faudrait peut-être, surtout pour ce qui concerne justement des droits de cette privatisation, ce droit de propriété sur des biens qu'on pourrait considérer comme communs, considérer que le propriétaire n'a que des droits limités, en quelque sorte. D'accord. Okay. Ce serait une relativisation. Alors, troisième caractérisation, c'est l'exigence d'un intérêt commun. Et ça tombe un peu sous le sens. D'accessibilité pour tous. Et on retrouve des choses que tu travailles dans le collectif O. Et l'idée surtout, et ça, Gadré tient beaucoup, mais nous aussi d'ailleurs, que la gestion des biens communs soit commune. Hein, ça tombe pas sous le sens. Lorsqu'on se battait sur les banques, on avait bien dit qu'on était non plus. La nationalisation ne suffit pas pour nous. Oui. Rappelez-vous, hein, la nationalisation ne suffit pas. Il faut encore qu'il y ait une gestion démocratique ou démocratisée, en tout cas, des banques. Parce que sinon, on peut très bien avoir une confiscation par le politique ou des oui. institutions publiques. Bien sûr, on a vu la catastrophe oui. du Crédit Lyonnais, c'est pas la peine de faire une démonstration. Alors, si je dis bien commun et banque, vous allez dire, ils se foutent de nous, on parle de bien commun. Non, c'est le crédit qui est un bien commun, hein, oui. l'accès au crédit, hein, voilà. Quatrième caractérisation, alors ça, je vais le dire parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. J'ai entendu plusieurs fois Gadret plancher là-dessus. Les biens communs ne s'opposent pas aux biens privés. C'est un premier point. L'objectif, par exemple, d'une transition écologique et sociale bien menée devait être non seulement de prendre soin de biens communs en tant que tels, comme la qualité de l'eau, de l'air, de la biodiversité ou de la protection sociale, mais surtout d'enrichir la production des biens privés et en biens communs écologiques et sociaux vis-à-vis notamment des normes plus exigeantes de haute qualité sociale et environnementale. Alors ça veut dire que les biens communs, l'appropriation des biens communs, la gestion des biens communs par la communauté montre qu'il faut élever le niveau de qualité de l'eau, par exemple, on ne prend que cet exemple-là, pour rester à cet exemple-là, et montrer aux intérêts privés qu'ils peuvent aussi se soumettre à des normes de qualité. Enfin, cinquième caractérisation, et j'arrête là, avec les biens communs comme qualité d'ordre collectif, on n'est plus dans une économie traditionnelle de production, mais dans une économie du prendre soin, du care, que Martine Aubry avait essayé de lancer avec un insuccès notable, y compris comme condition de la production de biens privés. Voilà les caractérisations qui vont peut-être nous servir dans une à travailler. on est plus dans une économie de gestion des ressources que de production, de productivisme. Voilà. Alors, en revanche, tout ça est tout à fait satisfaisant intellectuellement, mais on va peut-être parler avec Benjamin, peut-être que c'est pas si simple que ça, et qu'il y a des choses qui sont des biens communs, qui sont attaquées, en fait, par le privé, par les intérêts privés. Et René, peut-être, d'abord. Pardon. Oui, justement. Justement, l'altermondialisme, un des objectifs de l'altermondialisme, c'était bien de remettre en avant la question des droits fondamentaux et des biens communs face aux logiques de marché et de mondialisation néolibérale, également de privatisation. Enfin, ça va de soi. Ça. Ça implique un projet d'égalité des droits pour tous. Ça touche à la fois le droit international, la démocratie, et ça nous ramène aussi à cette notion de bien commun. Ouais. Parce que dans le néolibéralisme actuel, ce qui est rapporte est accaparé par la firme, comme la gestion de l'eau, de l'électricité, de l'éducation et de l'alimentaire, qui sont des biens communs. On peut évoquer l'expression de pétrolisation de l'eau de Riccardo Petrella. Les biens publics mondiaux, donc les biens communs, sont victimes du couple privatisation-marchandisation. Et ce constat est donc très favorable aux grandes entreprises qui peuvent faire du profit sur ce nouveau service et faire payer le consommateur. Mais on a quand même des alternatives qui existent, notamment un passage en régie publique de l'eau que le collectif Eau de la Lille Métropole tente de promouvoir à l'échelle locale. Voilà, tout à fait. Ben, d'ailleurs, que ce soit le collectif Eau, en fait, sur l'ensemble des épreuves par lesquelles il faut passer pour légitimement obtenir ces droits, il y a des associations qui ne baissent pas les bras. Quoi. Le collectif Eau, qui est un collectif, donc c'est un ensemble d'associations ou de personnes, mais l'ensemble des associations un peu connues qui font partie de notre quotidien, le droit au logement, l'association Pièces et Main-d'œuvre que nous avions invité ici, ou bien Agir Ensemble contre le chômage, ou encore dans le domaine de l'agriculture, Cocopelli, ou contre les différentes formes d'ondes dans les villes, Robin des Toits contre les ondes des téléphones portables. Enfin, tout ça, c'est des associations, des groupes qui ont pris conscience des faits dévastateurs d'accaparement ou de pratiques et que ils considèrent que les sujets nécessitent une action plus directe. Voilà. Mais ce qui est également à souligner concernant les biens communs, c'est que leur défense de ces biens communs va de pair avec la convergence des luttes, justement, pour une université publique, pour une gestion publique de l'eau et de l'électricité, contre les grands projets inutiles qui massacrent les territoires, pour une réponse juste et saine face à la crise alimentaire, en somme contre la marchandisation et la privatisation, et pour une réponse collective, coopérative et non compétitive. Oui. Oui, non, mais ne disons pas non plus le libéralisme, le néolibéralisme ne tient pas en compte, ne disons pas qu'il ne tient pas en compte l'environnement. Et on sait, par exemple, que il y a quelque temps déjà, dans les années 90, on avait les néolibéraux, les économistes scientifiques, forcément scientifiques, ont essayé de calculer le prix de la nature, par exemple, pour nous dire que la nature valait entre 18 000 et 54 000 milliards de dollars. Dans une fourchette très large. En plus, ce sont des chiffres de 1994. Alors mettez-les à l'ordre du jour et vous aurez compris. Voilà. Et donc, on est bien, j'y reviendrai peut-être dans la lecture tout à l'heure, on est bien dans un problème de... On prend conscience, même chez les libéraux, qu'il y a des problèmes des néolibéraux de qualité, de perte de qualité de l'environnement, mais on a la solution. Il faut chiffrer. Je suis d'accord avec toi, j'ai pas forcément de choses pour relancer. C'est vrai que faire un bilan comptable de la nature, c'est leur truc à eux. C'est assez absurde. Mais donc, les biens communs englobent aussi certains des droits que nous avons, nous pouvons nous, pardon, donc, enfin, que nous avons au quotidien. Et je pense entre autres au code du travail. Enfin, le monde du travail est peut-être l'un des domaines qui bouge, qui est attaqué le plus, surtout en ce moment avec le contexte de la crise. Je ne sais pas si vous avez des exemples ou des choses qui permettent de montrer à la fois que les combats qui ont été menés ont apporté des choses, mais aussi qu'il y a des attaques qui sont faites. Alors, exactement. Premièrement, en France, le droit du travail a connu de nombreux progrès. On peut citer quelques dates clés du XXe siècle. La loi du 30 mars 1900, dite la loi Mirran, limitant la journée de travail à 10 heures. La loi de 1906, instituant la semaine de 6 jours, avec donc le repos le dimanche. La loi de 1919, instituant la semaine de 48 heures et la journée et la semaine de 48 heures et la journée de 8 heures par jour. La loi de 1936, instituant la semaine de 40 heures par le Front populaire. Ou encore les lois Aubry, plus récentes de 98 et de 2009, instituant la semaine de 35 heures. Et ce qui est également nécessaire de souligner, c'est que ces différentes avancées sociales ont été permises par différents facteurs. Par des luttes ouvrières, également par le réformisme social-démocrate, donc indirectement par le vote, par une meilleure répartition travail-capital dans la valeur ajoutée, mais également par les gains de productivité enregistrés durant les Trente Glorieuses. Mais il est également nécessaire de souligner que un certain nombre de politiques, d'économistes, estimaient que la baisse du temps de travail permettait de réduire le chômage, notamment en améliorant la répartition du travail. Mais il a toujours existé des tensions permanentes entre progressistes et conservateurs réactionnaires. Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses atteintes aux droits du travail ont été portées par ce courant qui est devenu dominant, celui du néolibéralisme. On peut par exemple citer deux attaques contemporaines et importantes sur le retour au travail progressif le dimanche. Et oui, on veut s'attaquer à notre conquête sociale de 1906, apparue suite à un mouvement social des mineurs. Que ferions-nous pas pour nos entreprises, hein ? Mais vous vous rendez compte quand même que même en Allemagne, le pays des songes du MEDEF, il ne travaille pas le dimanche. Mais c'est donc le MEDEF avec les grands groupes ont tenté d'imposer cette règle, donc du travail le dimanche. Mais comment ils tentent de l'imposer ? Tout simplement en violant délibérément le code du travail, comme l'a fait Castorama et par exemple Leroy Merlin en septembre 2013. Ils ont ouvert leur magasin le dimanche. Et bien sûr, pour faire passer cette potentielle réforme, on a sur les chaînes télé, sur TF1, sur M6 et sur les autres, on nous montre le personnage culte de la mère célibataire volontaire ayant besoin de travailler le dimanche pour pouvoir rembourser ses prêts, en estimant que le problème de sa solution, c'est de travailler le dimanche pour augmenter ses revenus, alors qu'on peut considérer qu'on a des solutions qui peuvent être diverses, comme la réduction des inégalités salariales, le développement d'un impôt progressif et autres. Oui, dans le domaine du travail, toujours, je vais te laisser conclure, mais c'est aussi sur l'âge de la retraite. Les différentes attaques portent sur l'âge de la retraite avec son augmentation et il est un petit peu affirmé, c'est presque un implicite, que l'âge de la retraite est indexé sur l'espérance de vie. Mais depuis quand, quoi ? Enfin, ça n'a jamais été dit, ça sort d'où ? Premièrement, ce qui t'a souligné, c'est que ce droit fondamental de retraite par répartition est né du programme du Conseil national de la Résistance qui prévoyait une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Mais en effet, depuis le début du XXe et le milieu du XXe et le début du XXIe siècle, ce droit est sans cesse attaqué, notamment par la hausse des durées de cotisation. On peut par exemple retenir quelques dates clés, quelques réformes clés, celle de Balladur en 93, de Fillon en 2003, de Fillon une nouvelle fois en 2007 et de notre cher président socialiste en 2013. Avec une logique de ces réformes qui est implacable, nous vivons plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Et au-delà de cette logique philosophique foudroyante, l'aspect économique est également central, avec un déficit de la caisse des retraites qui s'établit à 14 milliards en 2012 et des projections sur 2020 à 20 milliards de déficit, alors qu'on peut citer par exemple le chiffre de l'étude sur le surcoût du capital qui est chiffré à 100 milliards par les économistes du Clercé de Lille-1 en 2012. Comme on l'a vu en septembre avec Laurent Cordonnier. Bon. En effet, on va peut-être s'arrêter là. Tu as quelque chose, Germain, pour conclure ? Oui, voilà, pour conclure. C'est vrai que je ne vais pas faire le résumé de tout ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'une des voies de sortie, c'est d'être vigilant, de connaître un petit peu les mécaniques en place. Et puis, quand la vitesse d'action est insuffisante, penser et imaginer des formes de désobéissance. Je pense par exemple à celles qui portent contre les grands projets inutiles et imposés. C'est des formes communes de prise de conscience et d'action face à des groupes qui ont tout pouvoir. Ou bien aussi le cas des lanceurs d'alerte qui outrepassent les lois pour aller dans le sens de plus de biens communs, ou en tout cas de droits fondamentaux qui seraient bridés. Oui. Et je crois, si je peux apporter une conclusion là aussi, c'est que avec les biens fondamentaux, il faut un tantinet se débarrasser de l'économisme et penser un peu plus économie politique. Jingle. Eh bien, pour enchaîner avec une facilité déconcertante, je vais vous conseiller un ouvrage qui s'appelle « Le livre noir des grands projets inutiles ». On est complètement dans l'esprit de l'émission. « Le livre noir des grands projets inutiles et imposés », le titre à lui seul est assez explicite. On le doit à Camille. Alors Camille, c'est le nom d'un collectif de drilles, sortement joyeux, qui s'appelle « Les Camilles ». Il réunit une vingtaine de personnes et une dizaine de collectifs. Je suis obligé de dire que je ne connais pas beaucoup de monde et ça m'inquiète. Il y en aurait tant que ça, des grands projets inutiles. Ben oui, hein, 27 recensés dans le bouquin, la grande majorité des projets routiers et autoroutiers quand même. Je cite ceux que nous connaissons bien à TAC, puisque nous les défendons. On va parler à Germain, là, du coup. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, évidemment, de notre cher monsieur Hérault. Actuellement Premier ministre, faut-il le rappeler ? Ben non, je ne le rappelle pas, du coup. Le centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure, dans le 55. René, tu dois savoir, le 55, c'est quel département, ça ? C'est pas du côté de la Bourgogne, par là ? C'est ce côté-là, mais ça ne dit pas le département. C'est un peu plus haut. Meuse. C'est la Meuse, merci. On fait pas de... Oui, non. Novicène. Alors là, je détaille parce que c'est... même moi, citadin, je comprends absolument pas qu'on puisse faire des choses pareilles. Novicène, c'est l'association que nous soutenons donc à Intac, qui se bat contre un projet. Ce projet, c'est une ferme de 1000 vaches. 1000 vaches hors sol. Pour faire du lait, me direz-vous, ben non. Enfin oui, si ça se trouve, on pourra en faire, mais c'est presque un produit fatal, le lait, finalement, hein, comme disent les économistes. Un produit fatal, c'est un produit qui fait partie de la production, mais qui n'était pas prévu. Je pense très simplement à un tailleur qui taille dans du tissu et qui a des chutes. Voilà. Bon. Non, le produit visé, là, c'est pas le lait du tout. Le produit visé par le bétonneur Ramery, c'est le méthane, produit par les proutes des vaches. Hein. La ferme aux 1000 vaches, est d'abord avant tout un méthaniseur capable de produire de l'électricité de forte puissance, 1,5 MW que l'industriel revendra au prix fort à EDF. C'est bonne bourre. On va pouvoir allonger la liste. Nous, en fait, sur les 27, on a deux beaux projets. Là, je ne parle même plus du grand stade qui fait rire tout le monde maintenant avec ses catastrophes de chauffage. Bon. Le Lillénium de l'île Sud, c'est plus un projet. Là. À Attac, nous en avons dit tout le mal qu'on en pense dans l'enquête publique. Ça n'a changé évidemment rien. L'exploitation du gaz de houille dans le Pas-de-Calais, plus dangereux que cher, d'ailleurs, celui-ci peut-être. Mais attention, ce bouquin n'est pas qu'un catalogue détaillé des grands projets inutiles et imposés, ce qui serait déjà pas mal d'ailleurs. Et il faut lire aussi les 25 premières pages qui sont une introduction argumentée sur les conséquences des choix politiques et surtout bétonniers de nos élus. On se reportera à la fin de l'ouvrage à un glossaire humoristique et sarcastique et différentes chartes d'associations contre les grands projets inutiles. Oui, dans le glossaire, on trouve par exemple « ouvrage d'art », définition d'ouvrage d'art, autre terme désignant un grand projet inutile. J'aime assez bien celle-là. Bref, un bouquin fort utile que recommande vivement Ruth Stegassi, c'est-à-dire Ruth Stegassi, si vous ne la connaissez pas, empressez-vous d'écouter le samedi matin France Culture de 7 à 8. De 7 à 8. Ça s'appelle, je ne sais plus... terre à terre. Merci. Ouais. Merci. Donc, mais vous savez, si vous ne l'écoutez pas à 7 heures le matin, vous pouvez toujours l'écouter sur France Culture pendant 3 ans. Le livre noir, Grand projet inutile, c'est plein d'infos utiles, elle. Ça coûte 7 euros et c'est paru aux passagers clandestins cette année en septembre 2013. Oui, bonjour. Je vais faire l'agenda militant. Donc, pas énormément de rendez-vous militants dans les 4 semaines qui suivent. C'est un peu la trêve des confiseurs côté militantisme à Lille. Néanmoins, des rendez-vous à ne pas rater. Cet après-midi, à partir de 15h, au CCL, une journée de soutien au journal lillois La Brique autour de la thématique de son dernier numéro, Le logement et la fabrique de l'embourgeoisement. C'est bien sûr du phénomène de gentrification à Lille dont on parle. Au programme de la journée, donc, projection de « Quand les habitants prennent l'initiative, tout peut changer », documentaire sur le quartier de l'Almagar à Roubaix dans les années 70 où les habitants et habitantes sont rentrés en résistance. Et à 16h, une discussion sur le logement, histoire de lutte et résistance d'aujourd'hui, suivi à 18h d'un concert « The Gendarme, The Ball de The Police ». Et à 19h30, une auberge espagnole et La Brique amène la soupe. Et à partir de 21h, d'autres concerts toute la soirée. C'est donc au CCL, 4 rue Colmar à Lille. Et le samedi 11 janvier à 19h, c'est la première cérémonie des Doigts d'Or en gala de soutien à l'église de la Très Sainte Consommation qui part en campagne pour les élections municipales de Lille. Pendant cette soirée, les serviteurs zélés du capital de l'année 2013 s'y verront remettre leur récompense bien méritée, le doigt d'or du capital. Plusieurs catégories, meilleure multinationale, meilleure minorité discriminée, meilleure loi votée en 2013, meilleure fraude fiscale et plein d'autres surprises. À noter, le meilleur chien de garde qui sera remis par Gilles Balbastre. Ça se passera à la MEP, Maison d'éducation populaire, qui sera rebaptisée MRAP, MRAP, Maison des rééducations actives paramilitaires, une fois le candidat Alexandre Di Giuseppe couronné maire de Lille. Votre ville deviendra alors, pour l'occasion, une chopinotée à la croisée de Monaco, Dubaï et Las Vegas, que du bonheur pour nos amis riches. Un don sera très apprécié à l'entrée de la soirée. Oui. À noter également, le groupe lillois pour le revenu de base qui devrait peut-être devenir un droit fondamental, est très actif pour les derniers jours de l'initiative citoyenne européenne qui se termine le 14 janvier. Et donc quelques dates de présentation débat sur la métropole. Demain à 16h au Café de la Paix à Tourcoing. Le dimanche 5 janvier à 15h, salle Malraux à Mouveau. Le mardi 7 janvier à 19h30 au Café Citoyen à Lille. Et le mercredi 8 janvier à la Mresse de Lille avec les Amis du Monde Diplomatique. Donc retrouvez toutes ces dates toujours sur le site d'Hémosphère Lille. Merci, bonne fête à toutes et à tous. Merci Florent, c'est l'heure de nous quitter. Vous pouvez réécouter cette émission et sur campuslille.com pendant 2 mois, rubrique choisissez l'heure et le jour. Vous pouvez également réécouter toutes nos émissions sur notre blog, Overblog, auquel vous pouvez même écrire d'ailleurs, ça ne fait pas suffisamment. Nous nous retrouvons le samedi 18 janvier à midi, je l'ai dit, avec Jean Gadret. Sur le thème des accords Europe-USA, il y a du danger dans l'air. Bonne fête à tous, bonne fête de fin d'année à toutes, à tous, à chacune et à chacun. iPhone 1, 2, 1, 2, 3, 4. Si j'avais acheté un iPhone 4, t'imagines, l'écran tactile des têtes. Quoi ? C'est pas du tout, là, il va sortir l'iPhone 5, mec. Quoi ? Déjà ? Eh ouais, mec, faut être à la fin. Ok. Si j'avais opté pour l'iPhone 5, si j'étais l'un de ces crétins, pardon, car t'en es peut-être un. Désolé. Mais si j'avais acheté un iPhone 5, ben je crois qu'Apple trinquerait au fait que je ne sois pas bien malin. Si j'avais cet iPhone qui est classe comme la masse, comme toutes les victimes de la com, la team d'Apple des tas d'hommes. Si j'étais naze comme eux, si j'étais ça comme eux, ben le bilan de désastre serait pour ma pomme. Ce serait 700 euros au bas mot qui serait passé de ma poche au leurre si j'étais tombé dans le panneau. Bien que ce ne soit qu'un heure si j'étais allé l'acheter au galop, m'écriant quel bonheur, oui, mais ça ne collait pas au tableau. Me concernant, j'avais pécho. En fin de compte, moi je crois que ce serait chaud pour mon compte. Car en matière d'euros, j'ai pas le compte. À part ça, je ne suis pas un blaireau. Et ça compte pas la tête à m'endetter. Je serais pas mal embêté. Devoir rester sans bêter, c'est au-dessus de mes possibilités. Débiter la totalité de mes sous pour mes débilités. T'es fou, ce sera la vue de mon imbécilité. C'est tout. C'est tout vu l'iPhone 5, c'est le 4. Mais avec un 5, c'est comme Hollande, c'est Sarkozy. Mais sans Alain Minc. Attention à ce que dit l'apparence comme dit Kadic. Pour des raisons pratiques, on nous ment de manière systématique. Apple n'a pas intérêt à ce qu'on découvre les pratiques de Foxconn. Du coup, c'est ça qu'on découvre. Ce sous-traitant voudrait en prouver qu'en gagnant des sous, vraiment, on peut tout défendre, même ce que la législation réprouve. Des semaines de travail de plus de 60 heures sans prime. La durée légale étant de 49 heures en Chine. Un salaire mensuel de moins 85 euros. Bah oui. Le minimum légal étant de 26 euros de trop. Ces miracles, Foxconn les accomplit grâce à un code de conduite strict dans 16% des cas. Des coups, c'est commun pour résoudre les conflits et faire l'ouvrier le zombie dont ils ont besoin pour produire à bas coût. Si j'avais acheté ce truc à la con dont on nous dit qu'on dépend pour qu'on soit à fond, qu'on dépense, j'aurais été le complice passif par ma contribution. De la mort de Singanou, même si ce n'est pas moi le patron. Cet employé de Foxconn saute comme dans de l'eau du 12e étage de sa tour et se casse le dos après.